France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 170. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 13 septembre 2009, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Alors, avant tout ce matin, il faut rappeler ici qu'il y a parfois de petites phrases qui créent de fâcheux malentendus. Et même s'il y a un doute, franchement, il n'y a pas photo. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes? J'ai pas dit ça, non. Je l'ai dit pour rigoler. Je l'ai pas dit, d'ailleurs. Pourquoi tu dis aussi que c'est des violeurs? Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit des voleurs. Et encore? Si, l'autre jour. Non, j'ai rien dit, j'assure, je disais ça pour rigoler. Si, tu l'as dit. Bon, alors bois ton coca, mange-toi, va se tirer maintenant, c'est malsain avec tes conneries. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joug d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Bien, eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin un os dans le potage, un crochet de boucher et 168 cm. Dans la foulée, justement, nous prendrons la mesure de la difficulté d'organiser des visites d'usine pour Nicolas Sarkozy. Ensuite, nous descendrons furtivement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA où nos joyeux fantômes radiophoniques ont accueilli jeudi dernier toute une colonie de canards migrateurs. Une étrange histoire de volatiles enchaînés que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, nous te révélerons comment Jean-Claude gère désormais l'équipe de foot de Grosboul-les-Bains depuis que les joueurs du club ont décidé lundi dernier de se débarrasser de leur entraîneur. Et puis nous enchaînerons avec le dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter et ce matin, nous t'offrirons une définition du mot « taxe ». Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique, en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son, mais ne te carbonise pas. Call Me. C'était en 1980 les New Yorkais du groupe Blondie. Tandis qu'aujourd'hui, à Paris, Carla Bruni. L'autre est fou d'amour pour sa grande copine. Heureusement, elle n'a pas encore compris comment on faisait des bébés. Il s'énerve énormément sur son oreille, qu'un truc. Oui, et elle est placide. Et elle est d'une placidité totale. Elle lui dit rien, elle est Alors ce matin, à 11h11, plutôt que d'être grippé et alité, le mieux, c'est sans doute d'être vautré dans ton canapé afin que nous amorcions ensemble les modestes péripéties laïques de ce 170e épisode du Mangin Palace qui s'ouvre, comme à l'accoutumée, par la petite session freudienne de Monsieur Divan Beaujolais, truffé aujourd'hui d'un os dans le potage, d'un crochet de boucher et de 168 cm, dis donc. Allez, en route, maestro. Tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Au hasard ! Cette histoire est tirée de faits réels. En politique, un os dans le potage au campus d'été de l'UMP à Seignos. Oh, celui-là, je les sens bien. C'est la taxe carbone qui décidément passe mal. Alors à la tribune, le secrétaire général du parti présidentiel, Xavier Bertrand, utilise la méthode Coué. La contribution climat-énergie, le mouvement populaire est résolument pour. Ah, alors la gauche, je ne comprends plus. T'es pourtant renommé pour avoir du chou. Ce matin, sur ce thème comme sur les autres, François Fillon... Hey, c'est dimanche, qu'est-ce que tu fais ici ? On a prononcé un discours net et surtout sans bavure, quitte à survoler les sujets plutôt que de prendre le risque d'être à nouveau désavoué par l'Élysée. Et ceux qui confondent le prix de la tonne de carbone avec un baromètre des relations entre le président de la République et le Premier ministre vont en être pour leurs frais. Malgré tout le respect que je vous dois, de quoi est-ce que vous parlez ? L'invité de France Inter est ce matin le président du Modem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous avez donc formulé et réitéré une offre publique de dialogue à destination des socialistes. Ah, mais dans le fond, ça va pas être mauvais pour vous, ce petit changement d'air, hein ? Pas seulement. De l'opposition... À destination de tous ceux qui, en France, ils sont nombreux, mais totalement désorganisés, pensent que ce qu'il faut d'urgence, c'est préparer une alternance crédible. Vous avez exactement 10 secondes pour changer cet air de dégoûtante pitié en celui d'un incommensurable respect. Martine Aubry et vous-même, vous êtes-vous parlé ou vu depuis cette offre publique de dialogue ? Non, mais j'espère que ça se fera. Et on va pouvoir avoir des expressions qui ne seront pas seulement des expressions de simple rivalité. On était ici d'abord ! Qu'est-ce que ça veut dire ? On y a pensé les premiers ! Ah ouais ? Ouais, il y a bien 2 ans de ça. Dans 2 semaines, tous les regards seront tournés vers le tribunal correctionnel de Paris. Et pour cause, on y jugera l'affaire Clearstream, qui dans les faits se solde par l'établissement de listes, de comptes falsifiés, de dénonciations, enfin rien de très clair, justement. En tout cas, un dossier spectaculaire avec un ancien Premier ministre parmi les prévenus, Dominique de Villepin. Attendez une minute. Quoi ? Ben normalement, on doit marchander. Et le chef de l'État en tant que parti civil. Il est un peu tard pour être secouru, tu crois pas ? Je finirai par retrouver le salopard qui a monté cette affaire et il finira sur un crochet de boucher. Oh, quelle horreur ! Cette phrase bien connue depuis qu'elle a été rapportée par le journaliste Franz-Olivier Gisbert, c'est Nicolas Sarkozy... Zoltan. ...qui l'aurait prononcée en 2005. Hier, les mots étaient plus choisis. Coupez-leur les couilles ! Mais la colère encore bien palpable. Je ne dirai qu'un mot, gestion des pulsions de violence ! Ouais ! En marge de tous ces débats politiques du week-end, ce reportage de nos confrères de la RTBF, la radio-télé belge, qui crée, là encore, une belle polémique. Une ouvrière de l'usine normande Faurecia, visitée jeudi dernier par Nicolas Sarkozy. Il est très susceptible, alors évite les jeux de mots un peu trop rétrécis. A assuré à nos confrères avoir été sélectionné pour sa petite taille, afin de ne pas apparaître à l'image plus grande que le président français. C'est pas mon jour. Le toubib m'a regardé le blanc de l'œil. Il a eu le traxir. J'ai la maladie des chefs d'entreprise. La maladie des chefs d'entreprise. C'est la grande concurrente de la grippe A, mais à la différence du H1N1, le virus de la crise choisit socialement ses victimes. Et d'ailleurs, question sélection, la RTBF a mis le doigt sur un bien joli dossier en dévoilant le critère élyséen du choix des ouvriers qui doivent rencontrer notre président. C'est Jean-Pierre Chalère qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec ce journaliste belge de la RTBF, nous reviendrons sur ces révélations qu'on pourrait qualifier de fantasques. Nicolas Sarkozy sélectionnera les ouvriers qu'il rencontre en fonction de leur taille. Je m'excuse, mais cette information est tout à fait vérifiable. N'importe quoi. Mais regardez le reportage que l'on a tourné. Les ouvriers ont confirmé qu'ils avaient été sélectionnés sur leur petite taille. Si c'était vrai, les journalistes français en auraient parlé depuis longtemps. Je ne suis pas certain, ma foi. Oh. Mais pourquoi vous riez? C'est votre accent belge, ça nous fait rigoler, nous les Français. Ah, vous aussi, vous nous faites rire. Hein? Bon, on n'a pas d'accent, nous. Non, en Belgique, c'est pas votre accent qui nous fait rire, c'est vos journalistes. Et effectivement, nos journalistes n'ont pas trop relevé ce que leurs collègues étrangers avaient déjà repéré, comme ces talonnettes ergonomiques, ou bien encore les exercices sur la pointe des pieds lors de la visite en Europe de président Obama. Et pourtant, tout ça, ça s'était déroulé en public, c'était visible aux yeux de tous. Alors on ose à peine imaginer ce qui peut se passer derrière les murs des palais nationaux. Regardez un peu. Mais quoi? Vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allez, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là, je vois ça, ça va maintenant. Monseigneur a l'air d'être bonne humeur ce matin. De bonne humeur? Non, je ne suis pas de bonne humeur. Vous savez très bien pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que des bam bam bam bam bam. Et c'est bonne ambiance pour le petit personnel de l'Élysée. Cela dit, pour les membres du cabinet du président, la situation est tout aussi compliquée quand ils sont chargés de lui organiser une visite d'usine. D'ailleurs, régulièrement, Claude Guéant s'arrache les cheveux. Oui, il se trouve que c'est un nain. Ou un lilliputien. Enfin, je ne sais pas trop quel mot on est censé utiliser, mais disons un gars de taille réduite. Mais des doigts tout fins, pas des grosses saucisses toutes boudinées. Personne de petite taille, il préfère ça. Exact. Oui. Oui. Heureusement, Henri Guénaud est toujours présent pour trouver les mots justes. D'ailleurs, c'est ce conseiller spécial de l'Élysée qui avait sélectionné avec grand soin les invités de la dernière garden party présidentielle, le 14 juillet dernier, donc, pour le plus grand ravissement de Carla. Oh, des nains. Wow. Un quart de nain pour moi toute seule. Chouette. Wow. Dieu que c'est lâche, nain. Et pourtant, avec la meilleure volonté du monde, la Dream Team de la communication politique rencontre aujourd'hui certaines difficultés à trouver de bons clients pour mettre en valeur notre président. Bon, ne va pas croire que la panique le leur reproche, car on sait combien l'équipe élyséenne est prête à tout pour trouver des personnes plus petites que notre président. Je veux que vous formez une équipe très dynamique et surtout très volontaire. Ah oui, on est une équipe très dynamique, ouais. Et puis je dirais surtout très, très volontaire. Quoi, voilà. Vous savez que le leitmotiv de cette émission... Je m'excuse, il est pas là le petit nain? Parce le petit. Qui va? Moi. Non, mais attends de dire toi, un peu de discipline. Ouais. Alors, plouf, ce sera toi qui ira le premier. Non, mais comme le roi ne le veut pas, ce sera toi. Bon, allez, Daniel. C'est Daniel. Par ici. Salut à toi. Salut, il est pas là le petit nain? Non. Hélas, il n'était pas là. Le drame guettait donc la construction de l'image présidentielle au point que, dans le secret des cabinets des spin doctors, les cervelles s'échauffaient. Comment faire pour trouver en France et en masse des travailleurs de moins d'1m68? Toutes les options ont été évoquées. En effet, l'heure approche où les hobbits détermineront le destin de tous. Par où commencer? À propos des hobbits. Les hobbits vivent de la culture de leur terre dans les quatre régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années, satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grandes gens. terre du milieu étant après tout remplie d'innombrables créatures étranges, les hobbits semblaient de bien peu d'importance, car ils n'étaient jamais connus comme de valeureux guerriers, et ne comptaient pas non plus parmi les plus sages. Oui, c'est certain, il s'est senti très à l'aise, notre président, dans le monde de ces joyeuses créatures à qui il a évidemment offert ses plus joyeux services. Autrement dit, il les a mis au boulot le dimanche, il leur a interdit l'herbe à pipe et surtout, il leur a piqué un minable anneau doré au titre de l'emprunt national. Bon, notre président s'est évidemment fait virer du pays des hobbits et il a été bien difficile pour lui de trouver un autre point de chute. Mais président Sarkozy sait toujours surmonter les situations difficiles et il a déniché une communauté parfaite pour l'accueillir. Les nains réfléchirent un instant et lui firent une proposition. Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, laver, coudre et tricoter, si tu tiens cette maison propre et en ordre, tu pourras rester avec nous autant que tu voudras et tu ne manqueras de rien. Oh oh, oh oh, quand on vient du boulot. Raco, raco, la pioche sur le dos. Raco, raco. Bon, cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui est parti, incapable de supporter plus longtemps la présence de ces ouvriers qui sifflent en travaillant. Ainsi donc, le problème de taille auquel est confronté notre hyper-président n'est toujours pas réglé. Alors, pour tous ceux qui se disent « on n'attaque pas le physique, ni les vêtements », la panique aimerait répondre « c'est pas nous qu'a commencé ». C'est pourquoi, pour conclure, laissons Claude Guéant ressortir ses vieux classiques. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? Et j'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Did you miss me? Never Forget You. C'est la toute nouvelle livraison d'un trio d'anglais, doux comme des agneaux, qui aiment le beurre et qui dégustent leur café avec un nuage de lait. Alors forcément, ils se sont appelés les noisettes. Ainsi, après avoir découvert ce monde cruel où notre président doit affronter des problèmes de taille, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h26 sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, imagine que nous soyons en 1915. La France est en guerre, bien sûr, et la censure traque méchamment la presse. C'est alors que le 10 septembre apparaît un drôle d'oiseau satirique, le canard enchaîné. L'ambition du journal est simple, torpiller ce pouvoir belliciste qui sacrifie les poilus sur le front. Et pour échapper à la censure, le canard enchaîné choisit une ligne éditoriale redoutable basée sur la déconne et les calembours. Résultat, il est aujourd'hui l'un des plus vieux titres de la presse française et chaque mercredi, on s'aperçoit avec bonheur que son esprit frondeur est toujours aussi présent. Cela dit, revenons immédiatement à nos joyeux fantômes radiophoniques, car jeudi dernier, nous étions le 10 septembre justement, et en ce jour anniversaire de la création du canard enchaîné, les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA ont vu débarquer une immense colonie de piaf. Toujours planqué dans sa boîte d'archives, écoutons alors le récit de notre Bernard l'Ermite. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on a franchi le mur du son. Jeudi soir, des canards migrateurs qui partaient vers le sud ont fait une escale chez nous. Tout le monde était content de les accueillir, à part ce rabat-joie de Jean-Yann, que ça n'avait pas l'air d'amuser. 15 000 canards, des canards avec des petites cymbales au bout des pattes. Gling, gling, gling. Tu voulais prendre un verre dans la cuisine ? Gling, gling, gling. T'allais pisser ? Gling, gling, gling. Tu prends des dégueulasses le matin ? Gling, gling, gling. L'enfer. Qu'est-ce que les canards viennent faire ici ? Ni colvert, ni laquais. C'était un genre de canard qu'on ne connaissait pas. Alors Mina Guillois et André Ribaud, ornithologues célèbres, nous ont raconté la naissance de cet oiseau fabuleux. Le canard enchaîné est un volatile qui a la peau aussi dure que le bec. Son premier numéro a paru le 10 septembre 1915. Il est né de la guerre 1914-18. Pour mieux dire, il est né dans la guerre. Parce qu'on ne se rend pas très bien compte, la tête du canard, elle est là. Hein, elle est là. Il faut se reporter à l'époque qu'il y avait énormément de poilus de l'arrière, notamment dans les salles de rédaction, qui brandissaient l'héroïsme, qui étaient d'autant plus belliqueux qu'ils étaient à l'abri. Et Maréchal décida de réagir contre ces pratiques. Comment ? Eh bien, par l'humour. C'était d'ailleurs la seule arme qui pouvait être utilisée, car il fallait tromper la censure. Et sous les cris de joie des volatiles en folie, Léon Zitrone s'est levé pour chanter leur louange. Le fait que le canard enchaîné paraisse, le fait que le canard enchaîné puisse subsister sans la moindre publicité, qu'il soit indépendant à l'égard de tous les pouvoirs, de toutes les oligarchies, qu'il soit indépendant à l'égard de tous les organismes nationaux, privés, internationaux, etc., etc., c'est une preuve que nous vivons dans un pays où le mot « liberté » n'est pas un vain mot. Le canard enchaîné est une telle preuve de la liberté des Français que je crois que c'est beaucoup plus important que tout ce qu'il peut vouloir dire ou tout ce qu'il peut écrire à mon encontre. Mais attention, canard, les chasseurs sont toujours à l'affût. C'est Claude Angéli qui le dit. En décembre 73, la nuit où j'ai rencontré quelqu'un, un fonctionnaire, qui m'a expliqué que c'était la DST qui avait tenté de poser des micros chez nous et qui m'a donné les noms de toute une série de personnages qui avaient cru possible d'installer des micros au troisième et au deuxième étage de l'immeuble où nous accomplissions des travaux. Maïté, aujourd'hui, vous m'avez parlé d'un très grand classique. Oui. Les magrets de canard. Enfin, pour nous remercier, Et parce que nous ne la lui avions pas donnée, le premier canard a pris la parole. Le canard enchaîné a décidé de rompre délibérément avec toutes les traditions journalistiques établies jusqu'à ce jour. En raison de quoi, le canard enchaîné prendra la liberté grande de n'insérer après minutieuse vérification que des nouvelles rigoureusement inexactes. Chacun sait en effet que la presse française, sans exception, ne communique à ses lecteurs depuis le début de la guerre que des nouvelles implacablement vraies. Eh bien, le public en a assez. Le public veut des nouvelles fausses, pour changer. Il en aura. Alors Maïté, pourquoi un canard entier ? Toujours est-il que le mardi matin, le canard était toujours vivant. Enfin, le jeudi matin, le canard était toujours vivant. Et le vendredi matin, le canard était toujours vivant. Merci beaucoup, Flora, car vous êtes vraiment notre Bernard enchaîné. Allez, rejoignons maintenant nos deux gros canards, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales. Voici donc notre décrochage régional, direction Gros Bout de les Bains. Monique est amnésique. Maman, Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, nous sommes entrés dans la seconde mi-temps de cette émission et il est grand temps pour nos deux titulaires indiscutables, Monique et Jean-Claude, d'entrer sur notre terrain de jeu. Avant tout, souviens-toi, en mai 2006, nous te racontions ici même que Jean-Claude était devenu l'entraîneur de l'équipe de foot amateur de Gros Bout. Malheureusement, trois semaines après, il avait dû démissionner puisque ses méthodes d'entraîneur avaient très vite rencontré l'hostilité des joueurs. C'est vrai qu'il fut un brin autoritaire. Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coups de cramage ! Vous préférez jouer des tours de con dans le dos de votre bienfaiteur, hein ? C'est ça ? Les pipis, les cacas, les zizi, les touffes, tout ça, c'est amusant, hein ? Ça fait rire, hein ? Et ça te fait encore rire, visiblement, toi, hein ? Et ça te fait rire, hein ? Je suis colère, les enfants, je suis colère ! Je suis violence parce que je suis trahison ! Pascal, n'étais-je pas là quand tu t'embourbais dans ces situations difficiles avec des filles de mauvaise vie, hein ? Si tu veux. Ah ben voilà. Arnaud, n'étais-je pas là quand tu souffrais d'une crapuleuse infection du visage, que tu faisais fuir tes amis ? N'étais-je pas là pour te masser la face ? Ah voilà, voilà. Pourtant, je ne serai pas toujours là, les enfants. Hein ? Ça, c'est sûr. Jean-Claude fut donc viré dès juin 2006 et c'est Robert Domenach qui fut nommé sélectionneur de l'équipe de foot de Gros Bout. Seulement voilà, dimanche dernier, le Gros Bout Saint-Germain a perdu son sixième match d'affilée en ce début de saison et visiblement, le divorce entre Robert Domenach et ses joueurs était à l'ordre du jour, malgré les démentis lundi matin du joueur vedette de Gros Bout, Henri Thierry. On a eu une discussion comme on peut avoir assez souvent dans une équipe, entre le groupe et l'entraîneur. Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Mais ça s'est resté une discussion qui a été plutôt constructive. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordel à nique. Je n'ai pas remis en cause les qualités du coach. Je sais, trafic, tu vas, combine. Alors ça, je peux me suis cassé dans ces cas-là. On a une discussion qui, comme je vous le répète tout à l'heure, que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une discussion qui se passe assez souvent. Tu comprends pas, tu expliques mal, tu me fais chier. On est sorti de cette discussion, tout le monde était assez heureux, et personnellement, c'est une discussion, encore une fois, qui se passe assez souvent dans un groupe. T'as aucune notion, t'as même pas assimilé un minimum de technique, t'es nul. Il faut ajouter à tout cela qu'il y a beaucoup de joueurs gauchers dans l'équipe de foot de Gros Bout, et le sélectionneur aurait déclaré « Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. » Propos inacceptable, et lundi soir, l'entraîneur a dû démissionner, bien sûr. Sauf que voilà, mercredi soir, le Gros Bout Saint-Germain devait affronter le Racing Club de Malingreville dans un match de coupe décisif. Du coup, dans l'urgence, le président du club a rappelé Jean-Claude au poste d'entraîneur. Très excité, Notre Jean-Claude a tenté d'expliquer à Monique l'enjeu crucial de ce match contre Malingreville et surtout, comment il envisageait cette rencontre pour lui. TF1 retransmet, la crise sera cardiaque dans les foyers français. C'est moi qui arrache la qualification. Je marque de la main et empoche le pognon. Ce soir, je vous mets de l'huile sur le feu. Coup de sifflet final, pas de prolongation. J'ai mené le bal, repasse-toi mes actions. J'ai des millions de francs cachés dans mon jardin. Je bois du cacolac, ça c'est Jean-Pierre Papin. Le foot, c'est malsain comme la musique, y'a que des requins, pas d'échange de maillots, tu pourrais prendre mon flow. Eh oui, en pleine guerre de récession, c'était peut-être là l'occasion pour Jean-Claude de renflouer les caisses et d'empocher le pognon. Cependant, Monique commença à rechigner, car franchement, la passion du Jean-Claude pour le foot, ça la saoule. D'autant plus qu'elle n'a jamais compris la règle du hors-jeu, par exemple. Mais soucieux d'associer Monique à son nouveau challenge d'entraîneur, Jean-Claude a alors immédiatement décidé de lui enseigner cette subtilité du hors-jeu. La sauce teriyaki, c'est le gardien de but. Le goal, quoi. Oui, c'est ça. Et la moutarde, c'est le défenseur. Le défenseur. Le sel, c'est l'attaquant. Le gros sel ? Oui, le gros sel, c'est l'attaquant. Bon, alors, si le ballon s'avance par là, le gros sel doit se mettre au niveau de la moutarde. La moutarde. Bonjour, chérie. Alors, regarde et concentre-toi. Ouais. Hors-jeu, en jeu. Hors-jeu, en jeu. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, si la montagne ne va pas à Mohamed... Quoi ? Non, ne te moque pas. J'apprends à ta mère les règles du hors-jeu. Eh oui, je viens de décider que je dois m'intéresser au foot. Et de cette manière, nous apprécierons le football en famille. Alors ? Oui, attends, ne me dis pas. La règle du hors-jeu dit que la moutarde doit se trouver entre la sauce teriyaki et le gros sel. Elle a compris. Génial. Elle est merveilleuse. En effet, Monique était disposée à faire quelques efforts, puisque le président du club de foot a promis à Jean-Claude une très belle enveloppe de cash en cas de victoire dans ce derby contre Malingreville. C'est ainsi que mardi matin, Jean-Claude a rencontré les joueurs de l'équipe pour leur exposer une véritable tactique de jeu, un nouveau style footballistique directement issu des western spaghetti. Oui, oui, sûr de son coup, Jean-Claude leur a donc fait part de ce qu'il appelle lui-même le ballon, le but et le truand. Mais visiblement, le capitaine de l'équipe n'a pas tout compris. Qu'est-ce que vous avez dit ? Ces champions ne savent pas shooter. Vous savez comment il faut faire ? Il faut que le style soit en harmonie avec le mouvement. Est-ce que vous pourriez être plus clair ? C'est pourtant simple. C'est un concept qui a été parfaitement expliqué par le plus grand maître d'arts martiaux. Je veux parler de mon idole, Bruce Lee. Oui ? Eh ben quoi ? Robert Domenach, lui, il composait son équipe en fonction des signes astrologiques. Jean-Claude a bien le droit d'avoir recours à Bruce Lee pour gagner un match, bordel. Cela dit, les joueurs de Gros Boule ne semblaient guère emballés par son projet de foot kung-fu. Du coup, Jean-Claude commençait à s'inquiéter sérieusement de leur capacité à gagner ce match. C'est alors que mercredi matin, secrètement, Jean-Claude a décidé d'aller rendre visite à M. Tapir, le président du club de Malingreville, qui fut ravi de le recevoir et qui éclaira Jean-Claude sur la réalité de la situation. Dans ce métier, il y a une ribambelle de connards qui ne regardent pas les choses en face. Ces pauvres cons s'imaginent qu'ils vieilliront comme le vin. Si ça veut dire virer au vinaigre, d'accord. Mais si ça veut dire se bonifier avec l'âge, mon cul... T'es pas passé loin, et t'es jamais devenu un vrai champion. Et si t'avais dû devenir un champion, ce serait déjà fait. Bon, ben, Jean-Claude était assez d'accord avec Monsieur Tapir. Du coup, il s'empara vite fait de cette belle enveloppe dodue. Après tout, c'est la guerre de récession. Et bien sûr, le club de Gros Boule s'est pris une grosse tôle mercredi soir, 5-0. Pour finir, devant la presse régionale jeudi matin, Jean-Claude a tenté de justifier cette cuisante défaite comme d'autres savent si bien le faire. quand on a autant d'occasions de but, autant de possibilités, qu'on fait autant de choses, il y a la malchance, il y a le manque de réussite, il y a ce petit truc qui fait qu'on la met au fond, on la met pas au fond. Pour tous ceux qui ont été attaquants connaissent ce problème. Des moments ça roule et puis des moments ça roule pas. Et nous, en ce moment, ça roule pas trop à ce niveau-là. Ça viendra. L'objectif, c'est de se qualifier. Pour se qualifier, on a toujours notre destin entre nos mains. Domenech, Neckeneck, démissionne tout simplement. On veut Didier Deschamps. Pour le futur, ce serait mieux que tu nous fasses tes adieux. Que tu nous fasses tes adieux. Bien. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h41. Après avoir découvert comment Jean-Claude a lâchement accepté de truquer le match de foot entre Grosboul et Malingreville mercredi soir, il est l'heure désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Je rappelle ici que dorénavant, notre facétieux reporter a décidé chaque semaine d'aller rendre visite à des universitaires pour évoquer avec eux un mot de vocabulaire. Ainsi, ce matin, dans son dictionnaire imaginaire, le mot qui compte triple pour monsieur Julien Dugast, c'est la taxe. Alors, pour en savoir plus, il est allé rendre visite à Gabriel Zuckmann, thésard à l'école d'économie de Paris et rédacteur en chef de la revue Regards croisés sur l'économie. Donc, juste après la virgule, découvrons ensemble ce que signifient ces quatre lettres qui précèdent désormais le mot carbone. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Consonne T, voyelle A, consonne X, voyelle E. Taxe. Est-ce que déjà vous pouvez me donner la définition du mot de la semaine, le mot taxe ? Eh ben, la taxe, c'est un prélèvement que la puissance publique lève sur les citoyens, soit pour financer des dépenses, soit pour faire de la redistribution, soit pour corriger des défaillances, qu'on appelle les défaillances de marché, c'est-à-dire le fait que, spontanément, le jeu de l'économie de marché ne permet pas d'aboutir à une situation socialement optimale. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir trois chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. L'histoire a été marquée comme ça par une série de révoltes fiscales parce qu'on n'acceptait pas des prélèvements récurrents et surtout parce qu'on ne savait pas où allait l'argent. Et parce que le prélèvement était arbitraire, en fait. C'est pas faux. La Révolution française a vraiment bouleversé ce système. Elle a introduit ce qu'on appelle les quatre vieilles. La taxe foncière, la taxe mobilière, la contribution sur les portes et fenêtres et la patente. Car les impôts, c'est drôlement tard. Et pourtant, c'est pas du gâteau. L'idée était d'imposer les signes extérieurs de richesse. On voit bien avec la taxe sur les portes et fenêtres. Quand on a beaucoup de portes et fenêtres, c'est qu'on est plus riche, donc c'est un moyen d'imposer les plus riches. Ou en 1870, on crée la taxe sur les billards. Donc les gens qui ont un billard vont payer une taxe sur les billards, parce que les gens qui ont des billards sont des gens plus aisés. Mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette. Les scientifiques disent taxe carbone, on pourrait dire la taxe Hulot, hein. Est-ce que cette taxe carbone, est-ce que c'est une taxe qui apparaît comme juste ? C'est délicat parce que... Ah, c'est pas faux. La taxe en elle-même n'est pas juste, dans la mesure où les ménages les moins favorisés émettent en proportion de leur budget davantage de carbone. Vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. Le transport, par exemple, le chauffage, a un poids proportionnellement plus important dans le budget des ménages les moins favorisés que dans le budget des ménages les plus favorisés. quand vous posez la question aux Français, est-ce que vous voulez un nouvel impôt, moi je sais pas, objectivement, faut quand même être très, faut avoir la pêche pour dire oui, j'adore ça, allons-y. Oui, sauf qu'il y a le bouclier fiscal. La taxe va avoir un poids proportionnellement plus important dans le budget des ménages les moins favorisés que dans celui des ménages les plus favorisés. Si on changeait les impôts comme prévu, et si on changeait la moquette, il faut changer les impôts, j'insiste. Il faut changer la moquette, ces impôts nous mettent tous au tapis. C'est dur à comprendre quand même, parce que ça veut dire, j'ai l'impression que même Jean-François Copé n'avait pas compris au départ, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent, mais on va en revoir la couleur après, c'est ça finalement. La taxe doit rapporter zéro, c'est ce qui a été dit, et c'est ce qui, en bonne logique économique, doit être fait. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est quoi la taxe carbone? Bah, en gros, plus vous dépenserez d'énergie fossile, plus vous paierez. Ah, ouf. Moi je suis tranquille, j'achète jamais de fossiles. Ah, fainéant. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Alors, pour être encore un peu plus complet sur le carbone, notons simplement qu'il est l'élément essentiel du charbon, qui lui-même émet un gaz, le grisou. De là à dire que la fin de semaine, chez les socialistes, fut une reconstitution de cette chaîne organique, il n'y a qu'un pas. Carbonisation, charbons ardents et coups de grisou. Bonjour, Ségolène Royal. Bonjour. D'abord, la taxe carbone, que pensez-vous du dispositif tel qu'il a été présenté et sera sans doute maintenant mis en œuvre? Donc je dirais que c'est un impôt un peu vicieux, parce qu'on annonce l'impôt tout de suite. La prochaine fois, passez donc directement à la banque, ça sera plus simple. Et les ristournes promises sont envoyées à une commission. Tu parles. Enfin, c'est un impôt vicieux parce qu'il va se retourner contre l'écologie. Et pendant ce temps-là, le monde explose. Passons donc au Parti Socialiste. Estimez-vous d'abord que la victoire vous a été volée? En tout cas, la vérité éclate au grand jour. Et je trouve que c'est accablant. Vous savez ce que je fais chaque fois que je me sens déprimée? Non, dites-moi. Je fais le ménage à fond. Il y a des preuves d'un système de fraude organisé, notamment dans le département du Nord. À qui profitent les crimes? Je ne comprends pas. C'est inadmissible. Des décisions doivent être prises. T'as déjà vu des images de Saint-Michel écrasant le serpent? Ne fais pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Allez raconter ça à votre percepteur. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré farceur. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous, quand on nous dit ça, on ferait un malheur. Allez choisir des robes et des chaussures dans un magasin et la petite cape de fourrure qui vous irait bien. Prenez gaiement tout ça. Nous dit ça, on s'écroule et on pleure. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce sont les Parisiennes qui refusaient en 1966 cet adage. Car t'imagines, toi, vivre sans voyage, sans Starco de luxe, sans Rolex et être obligé de taper de la thune à tes potes? Non, la honte. François, j'ai des ennuis d'argent. D'argent, merde. Je te demande même pas ce qu'il te faudrait parce que... Non, mais laisse tomber. Demandez ça, tu sais, parce qu'il y a des moments où on est un peu... Je sais pas quoi te dire. Tu dis rien. Alors maintenant, à 11h50, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors bien sûr, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Eh bien, cette semaine, la presse pousse assez loin sa réflexion sur notre rapport à l'autorité. Tiens donc. Eh oui, Télérama, par exemple, laisse la parole à un lecteur complètement inconscient. Voilà, qui a l'outrecuidance de réfléchir. Attention. Oui, c'est dans le courrier des lecteurs. Anne, une enseignante, évidemment, elle dit Télérama, puis elle doit écouter France Inter aussi. Donc Anne nous propose un épineux problème mathématique. Écoutez bien. Sachant que Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale, confirme 13 500 suppressions de postes cette année et en annonce 16 000 pour l'an prochain. Sachant en outre que la France est la championne d'Europe de la natalité. Question ? Que valent les arguments démographiques du gouvernement pour diminuer le nombre de postes dans les DUCNAT ? Excusez-moi Philippe, j'entends une remarque dans mon casque, une remarque d'auditeur. C'est Riri, Fifi et Loulou, Philippe, qui nous écoutent de Donaldville, évidemment, et qui viennent de dire à côté de leur transistor que si ça continue, on va remplacer les profs par des policiers. Alors Philippe, déjà c'est une info. Les prédélinquants Riri, Fifi et Loulou nous écoutent. C'est vrai que c'est énorme. C'est énorme, c'est bien. Mais ils savent surtout de quoi ils causent. Parce que dans le journal de Mickey, cette semaine, nous trouvons la dénonciation subtile d'une politique où la répression prend le pas sur la prévention. Dans une bande dessinée intitulée « Les nouveaux profs », les cantons découvrent leurs enseignants remplacés par des policiers, justement. Non. Oui, l'inspecteur La Hargne est prof de gymnastique. Alors, dans le journal de Mickey, Philippe, on dit gymnastique. C'est vintage. Eh ben oui. Voilà. Et l'inspecteur Gros Cerveau est prof de sciences. Bon, en fait, je vous dis, ils sont là pour coincer le terrible monsieur Labricole, le gardien de l'école, et accessoirement vilain cambrioleur. Alors, pour conclure leur aventure, Riri, Fifi et Loulou remettent les choses en place et réclament, bon, entre les lignes, des professeurs recrutés par un concours national parce qu'un policier, ça ne peut pas remplacer comme ça un enseignant. Hein, comme ça, au pied du nez. Et écoutez, décidément, Philippe, j'entends une remarque cette fois. C'est Vincent du Val-de-Marne qui vient de dire que les policiers ne peuvent pas non plus remplacer les videurs de boîtes de nuit. Alors, je pense, Philippe, que Vincent a lu samedi dernier le Parisien Aujourd'hui en France qui nous racontait une étrange et bien maladroite affaire. Dans l'Essonne, les Pandores se sont pris pour les physionomistes du Papagayo. Et pour contrôler l'identité de Rome installée à la limite des communes de Corbeil-Essonne et d'Ormois, ils les ont tamponnés sur le bras, comme ça. Hallucinant. Ouais, pas classe. Hein. Non. Alors, le Parisien rappelle avec justesse qu'appliquer sur le bras un signe distinctif, c'est faire preuve de beaucoup de maladresse, surtout pour une communauté victime des persécutions nazies. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est bon. Alors, écoutez, Philippe, c'est toujours un peu la même chose quand on parle des dérives policières. Avant de leur lancer la pierre, il n'est pas inutile de réfléchir à l'autorité qui leur donne les ordres. Mmh. Parce que, c'est bien connu. Nous sommes tous programmés pour obéir à l'autorité. Et d'ailleurs, ce mois-ci, on peut lire l'excellent et très utile dossier que le magazine Science et Avenir consacre aux manipulations mentales. Je ne sais pas si vous avez vu ça, France 2 prépare un jeu intitulé Zone Extrême, où un candidat administre des décharges électriques de plus en plus violentes à un autre candidat quand il ne répond pas correctement à des questions. Alors, le candidat ne reçoit pas de vraies décharges électriques. Il s'agit d'un remake de l'expérience scientifique de Stanley Milgram qui avait été menée au début des années 60 et qui démontrait que la plupart des individus sont prêts à pratiquer des horreurs si les ordres viennent d'une autorité qu'ils jugent légitime. Mmh. Et Science et Avenir en profite pour nous donner des clés assez fondamentales pour comprendre les techniques de manipulation des cerveaux. Philippe, connaissez-vous la technique du pied dans la porte ? ça peut faire mal, vous allez voir. Non, c'est assez simple en fait. Cette technique a été étudiée au laboratoire de Robert-Vincent Joule à l'Université de Provence. Sous prétexte d'une expérience de concentration, vous demandez à un groupe de fumeurs de pas en griller une pendant 2 heures. On peut tenir. Voilà, tout le monde accepte, il n'y a pas de problème. Puis vous leur demandez, mais gentiment, comme ça, de ne pas fumer pendant 18 heures. Et là, 40% s'exécutent. Mais si vous demandez directement de ne pas fumer pendant 18 heures, sans passer par la petite séance des 2 heures, seuls 4% acceptent. Et Philippe, une remarque de Manon de La Roche-sur-Yon qui nous dit que présenter le travail dominical comme limité à certaines zones et seulement pour les volontaires, ça annonce une baisse d'audience de La Panique le dimanche. Parce que les gens vont bosser. Eh oui, tout le monde sera au taf bientôt. Oui, Manon, vous avez tout compris de la technique du pied dans la porte. Alors, Philippe, je ne peux pas ici détailler toutes les techniques de manipulation mentale que présente Science et Avenir. Par exemple, la porte au nez. La porte. Ah, je vous explique, c'est génial. Vous annoncez un truc terrible, inacceptable, je sais pas. Vous envoyez celui que certains appellent le porte-flingue et d'autres appellent Frédéric Lefebvre, qui va annoncer la retraite. Qui, soi-disant, est son nom Pulp Fiction. Oh, on rêve peur, quand même, non, mais c'est pas possible. Quoi. Ah, c'est la confrontation des genres, quoi. Annoncer voilà, la retraite à 75 ans. Bah, tout le monde va hurler, oh, c'est pas possible. Alors, vous revenez après, vous dites, bon, allez, ouais, 65. Tout le monde accepte, ça fonctionne. Autre expérience hallucinante de l'université d'Aix-en-Provence, des étudiants ont été invités à visionner un film, je cite, provoquant des émotions agréables. Bon, un boulard quoi. Bon, en plus, ils étaient payés. Mais avant la séance, le responsable leur annonce que pour des raisons techniques, tout est annulé. Bon, c'est évidemment prévu. Et en repartant, les étudiants se voient proposer une autre activité, recopier gratuitement l'annuaire. Eh bien, la frustration insupportable de ne pas avoir vu le film fait qu'ils sont 3 fois plus nombreux à accepter de recopier l'annuaire comme ça gratuitement que ceux à qui on n'avait pas proposé de voir le boulard. Ça fait vraiment très peur. Alors, Philippe, écoutez, je pense que ces chercheurs qui démontrent les manipulations mentales applicables aux masses auraient grand intérêt à changer le nom de leur laboratoire de psychologie sociale et de l'appeler Centre de réflexion en communication et en marketing politique. Ils auront sans doute plus de chances de conserver leur poste. On fait pas une deuxième prise. Il est pressé, Président Chirac. Merci, Monsieur Mauduit, pour cette formidable revue de presse. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, fin du 170e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Manche à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Voilà, je dois remercier rapidement Henri-Marc Mutel aux manettes, bien sûr, assisté à la technique aujourd'hui de Lidwin Caron et de Nicolas Lapeyre. Merci beaucoup à vous deux. Pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un tout nouveau site savamment ripolliné sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi à 11h pour la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique. Et dimanche prochain, toujours à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct !